Voilà, c'est l'intempestive. Et dans l'intempestive, aujourd'hui, on passe la deuxième partie de l'entretien avec Patrick Coupchou, auteur d'Un monde de fous, comment notre société maltraite ses malades mentaux, paru au Seuil en 2006. Dans une première partie, qui est toujours disponible sur www.intempestive.net, on était revenu sur l'évolution du regard porté par la société sur les fous. Dans cette seconde partie, on trace un aperçu du paysage de la psychiatrie contemporaine en France, en commençant par les remises en question du désaliénisme qui visait à redonner toute leur place aux fous dans la société après la Seconde Guerre mondiale. Dans les remises en cause du secteur, il y a notamment en 92 la disparition du diplôme d'infirmier psychiatrique qui a été remplacé par un diplôme d'infirmier tout court. Oui. Donc ça, on pourrait peut-être en parler, des conséquences que ça a. Et puis la notion de secteur en tant que tel est de plus en plus remplacée également par la notion de pôle. Quel impact ça a aussi sur la qualité des soins qui peut être apportée ou la manière d'envisager la faute? Ben, si vous voulez, je crois qu'il faut d'abord, je vais répondre à votre question, mais je fais toujours un petit détour avant. Il y a des changements qui sont opérés, et pour résumer, pour être très rapide et pour être très schématique, les changements, c'est la remise en cause de ce que je vous expliquais sur le désaliénisme. Mais ce n'est pas une remise en cause frontale, encore qu'elle l'est de plus en plus. C'est une remise en cause touche par touche, pas à pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire... Je veux dire, l'expérience du secteur et de la psychothérapie institutionnelle ont été des expériences tellement riches qu'il est difficile pour des gens qui, finalement, n'ont d'autres intérêts que les intérêts gestionnaires et économiques, de prendre ça de front. Parce que, bon, mais en même temps, on remet tout ça en cause petit à petit. Bon, ce que je voulais dire, c'est que qu'est-ce qui change sur le fond? Qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est la vision de la folie. Ça, c'est important. Parce que si vous voulez, on ne comprend pas pourquoi on met des pôles, pourquoi on met des accueils par pathologie, enfin tout ce qui est petit à petit, on est en train de remettre en cause. Oui, l'accueil par pathologie, c'est retourner au pavillon gâteux. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. D'ailleurs, on y vient, on y est. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne comprend pas ça si on ne comprend pas que la vision... Tout à l'heure, j'ai commencé par la vision de la folie. Ce n'est pas par hasard. C'est que tout ça est sous-tendu par un regard qu'on porte sur le fou. Le regard qu'on porte sur le fou, il est en train de changer. Il a changé depuis pas mal de temps, par rapport aux désaliénistes. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'elle a changé? On ne dit pas, comme avant la guerre, dégénérescence de la race, c'est pas des hommes, etc. On est quand même dans un pays démocratique, de droits de l'homme, etc., comme il ne faut pas exagérer. Mais sur le fond, on est en train de remettre en cause l'humanité de la folie. Pour quelle raison? Un, parce que, pour toute une série de raisons historiques, qui serait peut-être un petit peu long sur lequel il serait peut-être un petit peu long de s'appesantir, mais la psychiatrie biologique, qui n'a jamais cessé d'exister en France, même y compris dans les années 50-60, où les gens du secteur faisaient beaucoup de bruit. Est-ce que vous pourriez préciser la psychiatrie biologique? Alors j'y viens. Donc, la psychiatrie biologique, elle domine d'une façon écrasante aujourd'hui. Écrasante. Bon, c'est quoi? Ben, en gros, pour schématiser, c'est la maladie mentale est le résultat de quelque chose qui tient au cerveau, enfin qui tient du cerveau, du système nerveux ou du patrimoine génétique. Alors on n'a pas prouvé ça, personne ne l'a prouvé, mais on est convaincu de ça. Alors on est convaincu de ça parce qu'on a une vision un petit peu scientiste, ça c'est la vision qui domine aujourd'hui, hein, pas simplement dans la psychiatrie, un peu partout, un petit peu scientiste des choses. Et puis surtout, parce qu'encore une fois, c'est une vision qui n'a jamais tellement quitté la scène. Même dans les années 50-60, je veux dire, la neurologie, etc., ont toujours été présentes. La séparation avec la psychiatrie est récente. Donc, si vous voulez, cette idée que finalement, la maladie mentale est le produit d'une maladie du cerveau, comme l'hépatite d'une maladie du foie, c'est une idée qui est dominante aujourd'hui, avec l'aspect génétique des choses. Qui coupe complètement d'un contexte social, d'un contexte... Ben, si vous voulez, le problème, c'est que non seulement ça coupe d'un contexte social, mais c'est que ça évacue le sujet, comme diraient nos amis les psychanalystes. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce que dit Jean Houry? Il me semble avoir entendu dire ça plusieurs fois. Jean Houry, il dit, quand je suis dans mon bureau et qu'un patient rentre dans mon bureau, c'est monsieur ou madame un tel, c'est rien d'autre. C'est que ça, c'est un sujet. Quelqu'un qui a un psychisme, qui a un inconscient, qui a une histoire personnelle, qu'on ne peut comparer à personne d'autre. on peut le comparer, mais c'est pas la même chose. C'est le sujet. La psychiatrie biologique, elle réduit, si vous voulez, l'individu au cerveau ou au gène. Donc ça a des conséquences importantes, parce que ça veut dire, un, bon, que finalement, tout ce qu'on fait pour soigner les gens, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils vivent avec nous, etc., bon, ça ne sert pas trop à grand-chose, ça coûte cher, et que finalement, la science va nous trouver ça, va nous trouver des solutions. Deux, l'autre aspect intéressant, c'est que l'industrie pharmaceutique, et vous voyez bien que c'est lié, si vous considérez que c'est une maladie du cerveau, ben, il faut donner des médicaments. Comme les médicaments, ben, l'industrie pharmaceutique, elle en vend, elle en fait la promotion à longueur d'année. Tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est un seul mouvement. Dans un seul mouvement, on a lié tout ça. Tout ça, ça a donné lieu à quoi? Ça a donné lieu, par exemple, à l'écriture, dès 1952, mais on a la quatrième version, le fameux DSM, qui est la Bible, un petit peu de la psychiatrie un peu partout dans le monde aujourd'hui, qui est même parfois obligatoire, et qui a été écrite par l'Association américaine de psychiatrie. Bon, ça, c'est tout à fait la démarche dont je vous parlais à l'instant. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans le DSM, on ne dit pas c'est Madame Intel ou Monsieur Intel qui rentre dans mon bureau, comme disait Ouri tout à l'heure, mais on dit, voyons voir, vous avez combien d'hallucinations par jour? Est-ce que vous rêvez de si? Et on va cocher des cases. C'est-à-dire qu'on a prédéfini des troubles, parce qu'on part sur l'idée de troubles de comportement, la plupart du temps. On a prédéfini donc des maladies, des troubles, et puis on va cocher, et donc on va faire disparaître le sujet derrière une grille déjà préétablie et derrière un syndrome déjà préétabli, prémâché, etc. Ce qui veut dire qu'on est dans une démarche qui se veut scientifique et médicale, mais qui, encore une fois, évacue toute la dimension du sujet. C'est-à-dire qu'en 20 questions ou en 30 questions, je peux vous dire, vous êtes une bipolaire, vous êtes une paranoïde de je ne sais quoi. Et derrière, on va vous proposer une molécule ou plusieurs. Avec une ordonnance. Bon. Et vous parlez dans le bouquin du fait que l'industrie pharmaceutique, d'ailleurs, parfois invente des. Oui, tout à fait. Bien sûr. Bien sûr. Des molécules derrière qui parlent, par exemple, le trouble d'hyperactivité des enfants qui sont dans le DSM. Tout à fait. Et l'hyperactivité des enfants, par exemple, où. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ça, hein, chacun son rôle, mais énormément de gens qui sont des pédopsychiatres disent que l'hyperactivité, c'est le symptôme de quelque chose, mais de plusieurs causes, de diverses causes. Donc, ce n'est pas une maladie en soi. Il faut essayer. Parce que si vous voulez, le médicament, il traite le symptôme. Et pourquoi il traite le symptôme? Il traite le symptôme parce que le symptôme dérange, parce que le symptôme perturbe. Il faut faire en sorte que les individus rentrent dans le moule. Là, on retrouve le fou et l'individu, le lien entre le fou, la situation du fou et la situation de l'individu. Quelle conception on a aujourd'hui, nous, de la société? On a la conception d'une société avec des individus qui sont normés, qui sont formatés, qui rentrent dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, pour être rapide, l'individu du marché, l'individu performant, etc. Si vous voulez, on en dira un petit mot tout à l'heure. Donc, si vous voulez lutter contre le symptôme par des médicaments ou par des thérapies comportementalistes, le médicament pour anesthésier et les thérapies pour redresser, parce qu'en gros, c'est ça, c'est faire en sorte de gommer les symptômes de telle façon que tout ça ne soit plus dérangeant. Mais sur le fond de l'affaire, on ne règle rien. On ne règle rien, puisque le symptôme va réapparaître sous une autre forme, peut-être, quelques temps après, et que l'industrie pharmaceutique va de nouveau faire du business, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est une espèce de cercle. Oui, on neutralise le problème social. On neutralise, c'est exactement le terme. La maladie à un moment. C'est exactement le terme. C'est exactement le terme. Et donc, si vous voulez, à un moment donné, voilà, ça, c'est un petit peu le décor. Le DSM, non seulement c'est l'évacuation du sujet avec tout ce que je viens de dire, mais c'est aussi, comment est-ce que je pourrais vous dire ça, l'indice le plus fort de ce qu'on peut appeler une médicalisation d'existence. Une médicalisation d'existence. C'est qu'on a une médicalisation des problèmes sociaux en particulier, et des rapports sociaux depuis quelque temps, qui est phénoménale. Par exemple, le DSM, je crois que entre le premier, dans le premier, la première version, il devait y avoir 140 troubles, et là on est à 300. C'est-à-dire que, par exemple, le syndrome post-traumatique, c'est les anciens du Vietnam qui l'ont imposé à l'Association américaine de psychiatrie pour qu'il soit dans le DSM, etc. etc. Donc, et d'ailleurs, ce qui a un impact sur les remboursements. Voilà, exactement. Exactement. Parce que le DSM a été fait pour ça aussi. Ouais. Si vous voulez, le DSM, il était fait pour quoi? Il était fait, un, parce que les psychiatres américains se sont rendus compte qu'il y avait une concurrence féroce sur le marché de la santé mentale et qu'il fallait qu'ils affirment un peu leur autorité. par rapport à toute une série de gourous, de psychologues et autres qui venaient sur le terrain. Donc il leur fallait une espèce de référence scientifique, ou au moins aux apparences scientifiques, à l'apparence scientifique. Deuxièmement, il y avait le fait qu'effectivement les industries pharmaceutiques avaient besoin de cette référence aussi pour pouvoir vendre leurs molécules, et pour pouvoir justifier l'existence de leurs molécules, qui, comme vous le disiez tout à l'heure à juste titre, a inventé des troubles pour pouvoir justifier l'apparition et la vente d'une molécule. Et puis trois, vous aviez aussi les compagnies d'assurance qui disaient, mais attendez, moi je vais bien rembourser monsieur machin, mais je veux savoir exactement de quoi il retourne, et donc je vais avoir des règles précises, etc. Bon. Et puis le dernier point, qui était peut-être un point, le point le plus moins négatif, c'est que les Américains disaient, il faut qu'on ait un langage commun pour les questions de recherche. Bon, mais cela dit, on sait très bien ce qu'il en est advenu, ça n'a pas été du tout le cas, et on est arrivé à quelque chose qui est l'application de règles, donc, comme je disais tout à l'heure, qui évacue le sujet, et puis en même temps, la médicalisation de l'existence. Je vais vous donner un exemple, je regardais là, par exemple, le deuil. Le deuil, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. On considère qu'au bout d'un an ou de quelques mois, si la personne n'est toujours pas sortie de son état de tristesse ou de chagrin, il va falloir intervenir et lui donner une pilule anti-chagrin. Donc voilà, ça c'est un aspect de la médicalisation de l'existence, et le DSM en est l'un des outils, et à la fois le reflet et l'outil de cette médicalisation de l'existence. Alors, simplement pour préciser ce que c'est que cette médicalisation de l'existence, elle a un aspect directement social. C'est-à-dire qu'avec l'individualisation de la société, c'est-à-dire que le fait qu'on explique tout et on justifie tout par l'individu, et on analyse tout au travers le prisme de l'individu, plus jamais au travers le prisme collectif. Exemple, bah vous êtes chômeur, c'est votre faute, puisque c'est sûrement que dans votre enfance, vous avez eu un traumatisme qui fait que vous n'êtes pas capable de vous battre et de vous adapter. Donc voilà, ça c'est un exemple d'individualisation. Ou alors, vous êtes cadre dans une entreprise, on vous martyrise, on vous met au placard, on vous vire, et puis à la sortie, vous dites « mais je suis coop, qu'est-ce que j'ai fait ?» Pourquoi je n'ai pas été capable de faire ce que me demandait, et donc je suis le responsable. Mais à aucun moment, ni le chômeur en question, ni le cadre en question, ne se pose le problème du fonctionnement de l'entreprise ou du système dans lequel ils évoluent. Donc ces gens-là se retrouvent sur le marché de la détresse, si je puis dire, et quel est l'interlocuteur qu'ils vont rencontrer pour régler leurs problèmes ou pour tenter d'y faire face? C'est le médecin ou le psychiatre. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, encore une fois, vous êtes chômeur, ou vous êtes cadre déprimé, allez voir un médecin ou un psychologue. Voilà. Donc le DSM, il met tout ça au cordeau. Il met tout ça au cordeau. L'amiral cherche une maison à louer. Ahoy, ahoy! L'amiral skibbelt des Beines à la chère. Call it the Misère à petit bras, j'ai mis le cheval dans l'âme du serpent. Ah, une caresse, on reprendra mes amis dorénavant. Et c'est très intéressant, les tripes de morsure équatoriale. My great room is mine at my library. Kurza, Kurza, Kurza. Oh, yes. Oh, yes, sir. Après cette interprétation de l'amiral à une maison allouée de Zara Janko Ilsenbeck, contre lequel le DSM a déjà peut-être trouvé une molécule, on revient toujours sur Fréquence Paris Pluriel à l'entretien avec Patrick Coupchou sur la psychiatrie contemporaine en France. Donc si vous voulez, tout ça est rendu possible, j'essaie de ne pas perdre le fil de ce que je dis au départ, tout ça est rendu possible parce qu'on a changé la vision de la folie, et donc de l'individu. Si vous considérez que le fou est donc l'individu, c'est un patrimoine génétique, et que c'est un cerveau, et que c'est un système nerveux, effectivement tout ça, tout cela se justifie, tout cela est tout à fait cohérent, et ça justifie aussi le fait qu'à un moment donné, on va exclure, puisque l'autre aspect de cette médicalisation, mais qui est extrêmement lié, imbriqué à cette première partie, c'est qu'on va, on a transformé un petit peu l'esprit de la médecine et de la santé, de questions de santé. On l'a transformé dans quel sens? On l'a transformé en ce sens qu'on en fait maintenant, aujourd'hui, une question de dépistage de risque. C'est-à-dire qu'on va aller sur des populations, en psychiatrie, mais pas simplement en psychiatrie, hein, en général, on va aller sur des populations et on va tenter, pour faire en sorte que les troubles n'interviennent pas, on va tenter d'intervenir en amont, en allant dépister les risques, pour faire de la prévention, et parfois même de la prédiction, puisqu'on passe de l'un à l'autre avec une facilité concertante. Je vais vous donner un exemple tout à fait fameux et connu de ça, c'est que c'est par exemple la fameuse pétition « pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans », qui a été signée par des milliers, des centaines, peut-être des, ou peut-être même des milliers de professionnels, 200 000 personnes. Ouais. Elle répondait à quoi? Elle répondait tout simplement à une étude de l'INSERM qui allait faire en sorte qu'on allait trouver le chromosome de la délinquance des gosses dans les crèches, quoi. Donc c'est tout à fait ça. Donc si vous voulez, la question, c'est qu'à un moment donné, je vais revenir à cette affaire de risque. C'est qu'on va traiter le fou comme les autres. C'est-à-dire comme un individu citoyen souffrant. C'est-à-dire qu'il a plus, dans les textes officiels, dans la pensée officielle, il n'a plus de spécificité, le fou. On va le traiter de cette façon. Je vous donne un exemple. À l'hôpital aujourd'hui, vous arrivez, vous êtes délirant, vous êtes délirante, ça ne va pas du tout, vous avez pété les plombs. Vous allez arriver à Villejuif, à l'hôpital à côté, là, on va vous donner des médicaments pour vous calmer un peu, puis dès que vous allez calmer un peu, on va vous dire, mademoiselle, quel est votre projet de sortie? On va faire ensemble notre projet de sortie. Et vous allez prendre en main votre propre traitement. C'est ce qu'on fait avec les gens normaux, entre guillemets. Mais là, on va le faire également avec le fou. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on a non seulement une conception génétique, etc., de l'individu, mais aussi on a cette idée que l'individu est responsable et comptable de ses actes, non seulement dans sa vie économique et sociale, mais y compris dans sa vie sanitaire, si je puis dire. Ça signifie quoi? Ça signifie que lui, le fou, il n'existe plus en tant que tel, puisque si on lui demande la même chose que les autres, c'est-à-dire qu'on considère qu'il est comme les autres, alors qu'en fait, il n'est pas comme les autres, au bout du compte, parce qu'il ne peut pas lui faire ça. Il n'arrive pas à faire ça. Donc, on va le mettre devant cette espèce de choix. Soit tu t'adaptes et tu participes à ton traitement, soit tu disparais. Hein, parce que c'est comme ça. Le système a horreur de l'inutilité, a horreur de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui ne rentre pas dans le moule. Donc, il va disparaître. Et c'est à partir de là, si vous voulez, que, d'une part, la conception biologique, d'autre part, la conception du citoyen comptable souffrant, et donc de la négation de la folie en tant que telle, va conduire au fait qu'on va l'exclure. C'est ça qui va permettre qu'on va l'exclure. Pour illustrer ce que je veux dire, c'est que imaginez qu'on en soit resté à une conception qui soit une conception du sujet. On ne pourrait pas l'exclure. Théoriquement, ce serait insoutenable. Puisque ce sujet, c'est monsieur un tel, il a eu telle histoire, il a tel trouble, il a tel symptôme, mais on va le suivre, on va l'accompagner, on va faire un travail de soin avec lui dans la durée. Comment voulez-vous qu'on l'exclue? Pour pouvoir l'exclure, il faut qu'on ait cette conception réductrice de l'homme, et il faut qu'on lui dise, mais t'es responsable. D'ailleurs, c'est pour cette raison que Sarkozy est en train de remettre en cause. Il n'est pas tout seul, hein. Faut pas non plus penser qu'il est seul, parce que c'est quand même des évolutions qui datent depuis des années et qui transcendent, si je puis dire, la gauche et la droite. Hein. Mais Sarkozy, il est en train de remettre en cause les questions d'irresponsabilité des malades mentaux devant les tribunaux pour cette raison aussi. Le fond de l'affaire, c'est que le malade a disparu. Donc on arrive à une situation où la maladie mentale est carrément niée. Elle est niée. Et comme elle est niée, c'est pour ça qu'on l'expulse. C'est-à-dire que encore une fois, le fou n'est pas capable de rentrer dans ce moule-là, donc on va le mettre de côté. Et on le met de côté comment ? Ben on le met de côté, d'abord parce que on le met de côté aussi parce qu'on a rompu le lien dont je parlais tout à l'heure avec les alienistes. Mais on va le mettre de côté, soit il va se retrouver dans la rue, vous avez 30% des SDF qui sont des psychotiques aujourd'hui, vous allez le trouver en prison, vous avez à peu près le même pourcentage dans la prison, et en même temps, on va de nouveau l'enfermer. C'est-à-dire qu'on va revenir à des pratiques qui étaient des pratiques de l'aliénisme traditionnel. Par exemple, le recours aux chambres de contention qui sont de plus en plus fréquents, par exemple les pavillons fermés, par exemple, bah vous parliez tout à l'heure dans les prisons, les hôpitaux-prisons, etc., etc. Par exemple, le fait que dans les lois de prévention de la délinquance, comme ce qui est en train de nous préparer notre cher président, eh bien, on va accentuer l'aspect sécuritaire et protection de la société vis-à-vis des fous, comme on l'a fait avec les pédophiles et comme on le fait avec tout ce qu'on considère comme étant dangereux. Donc on va ramener le fou à sa dimension de dangerosité. Ce qui est d'ailleurs totalement absurde, puisque le fou n'est pas plus dangereux qu'un autre, au bout du compte, hein, statistiquement. Moins, en réalité, voilà. Apparemment, d'après des études statistiques, exactement. Les schizophrènes sont beaucoup plus vulnérables qu'ils ne sont dangereux. Exactement. Ils subissent, je crois que c'est 17% de plus d'agressions, et ils en commettent moins que la population générale. Ils ont une espérance de vie plus courte. Ils ont une espérance de vie plus courte. Alors qu'à chaque fois qu'il y a un drame comme celui de Pau, bien comme celui... Donc Pau, c'était quand un malade avait décapité deux infirmières. Et Grenoble, donc, où un malade a tué quelqu'un dans la rue. À chaque fois, ce qui ressort de ça, c'est... Bon, au moment du drame de Pau, c'était vers 2002, je crois. Oui, un peu plus récent, je crois. 2005, bon, je ne sais plus. La réponse avait été de développer des budgets pour mettre des vigiles dans les hôpitaux. Oui, tout à fait. Et là... Mais vous voyez le lien qu'il y a entre l'abandon du sujet, au profit d'une vision scientiste de l'individu, et le fait qu'on est en train d'exclure, d'enfermer et de martyriser de nouveau les fous. Mais on peut pas, comment dire, pour revenir à ce changement de vision de la folie, on ne peut pas uniquement en rester à l'aspect biopsychiatrique des choses. Il y a aussi le néolibéralisme. Et c'est lié, puisque de toute façon, ils ont partie liée. Ils ont une vision du monde qui est commune. Le néolibéralisme, qu'est-ce qu'il dit, lui ? Il ne dit pas, comme Toscaïès et Houry et Bonafé en 1950, l'objectif de la psychiatrie, c'est de faire en sorte que les fous vivent parmi les hommes, et que leur objectif ultime, unique, c'était leur patient. C'est pas ça qu'il dit le néolibéralisme. Le néolibéralisme, il dit, les fous font partie des inutiles. Ils sont inutiles parmi les inutiles. Ils sont même plus inutiles que les handicapés moteurs Non, ils sont totalement inutiles. Parce qu'on ne peut rien en faire. Et c'est ce qui fait la grandeur de la folie, d'ailleurs, quand on y songe, entre parenthèses. Mais on ne peut rien en faire. Donc, il faut les gérer. Il faut les neutraliser. Alors, pour les gérer et les neutraliser, on va les nier et on va faire en sorte... On va s'attaquer aux symptômes. D'ailleurs, il y a une personne, j'ai oublié son nom, mais qui parle de l'aspect révolutionnaire du symptôme. C'est quand même curieux. Mais en fait, quand on y songe, c'est pas idiot du tout. C'est-à-dire qu'en fait, le symptôme révolutionnaire, en ce sens que si on ne le fait pas disparaître, il fait monter à la surface les réels problèmes. C'est lui qui indique les réels problèmes. Si on veut la raser, si on veut le faire disparaître, c'est parce qu'on veut étouffer et neutraliser les problèmes qui se posent. Wada, Wadatsumi. Wadatsumi. Wadatsumi. Wadatsumi. Wadatsumi. Wada. Wadatsumi. C'était un poème phonétique sur spatialisme par Ilse Garnier et Saishi Nikuni. Tout de suite, on revient à l'entretien avec Patrick Coupchou, toujours sur Fréquence Paris Pluriel, et on parle de la psychiatrie contemporaine en France. Donc si vous voulez, je crois qu'on est dans une situation, parce qu'il y a aussi un autre versant sur lequel il faut qu'on s'apesantisse quelques instants, c'est le versant santé mentale des choses. Et le versant santé mentale des choses, c'est quoi ? Ben, c'est que, si vous voulez, toute l'évolution de la société depuis 30 ans, qui a conduit à l'affaiblissement de tous les collectifs, de toutes les solidarités, à une individualisation forcenée de la part, y compris, du néolibéralisme, qui a poussé ça dans un sens tout à fait extrême. Cette individualisation, cet isolement des personnes, cet abandon des personnes dans le système du travail, où on voit par exemple la souffrance au travail qui explose de tous les côtés, le système est confronté à un problème nouveau, qui est ce qu'on peut appeler, parce qu'on n'a pas trop d'autres termes, cette souffrance psychique. Par exemple, vous allez dans un CMP, 60 ou 70% des patients qui viennent dans un CMP sont des gens de ce type. Puis 30 ou 40% sont des psychotiques. Oui, dans les centres médico-psychologiques, qui dépendent un peu des hôpitaux. Par exemple, j'étais récemment à Marseille dans un CMP, le type me disait, on a à peu près 35 à 40% de psychotiques dans la vie active, et tout le reste sont des gens qui sont déprimés, qui sont angoissés, qui ont des problèmes sociaux, au bout du compte. Donc, qu'est-ce que dit notre système, dans le système dans lequel on vit ? Il dit, il faut faire face à ce problème. D'abord parce qu'il coûte cher, qu'on n'a que ce langage, de toute façon, que le langage du coût. D'abord parce qu'il coûte cher, 3% du PIB chaque année, selon l'OMS ou le Bureau international du travail, je crois, 3% du PIB. Puis deuxièmement, parce que c'est jamais très bon de ne pas faire face à ce type de situation. On ne sait jamais sur quoi ça peut déboucher. Ça peut remettre la reproduction du système en cause, etc. etc. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Et là, on rejoint aussi la médicalisation dont je parlais tout à l'heure. On fait appel à la psychiatrie, aux médecins et à la psychiatrie. Si on reprend un par un, les médecins, qu'est-ce qu'ils font ? C'est eux qui reçoivent 80% des psychotropes qui sont prescrits dans ce pays, le sont par des médecins de médecine générale. C'est-à-dire que vous pétez les plombs parce que vous avez une vie difficile, parce que vous êtes martyrisé par votre chef, parce que vous êtes en divorce ou je ne sais pas trop quoi. Qui allez-vous voir ? Le médecin de médecine générale. Et qu'est-ce qu'il fait le médecin de médecine générale qui n'a pas de compétences d'un point de vue psychiatrique, qui ne connaît pas tout ça ? Il vous fait des ordonnances. Et il vous donne des psychotropes. Et la consommation de psychotropes a explosé depuis les années 90. Et ce qui est très curieux, c'est que ça correspond à l'explosion de la souffrance au travail, d'ailleurs, par ailleurs. Donc voilà, c'est le premier point. Médicalisation par les médecins de médecine générale. Vous avez même des gens comme Philippe Périmolin, qui est un ami de Douste Blasi et de Sarko, et qui dit Il faut même mettre en place les médecins de médecine générale dans le système d'urgence, dans le dispositif d'urgence psychiatrique. C'est-à-dire qu'en fait, on va quand même pas dépenser de l'argent pour faire de l'urgence psychiatrique, bien que ça fasse partie du dispositif, bien que ce soit un élément important. On va utiliser le réseau des médecins de médecine générale. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est la psychiatrie. Qu'est-ce qu'on dit au psychiatre? On dit, mais attendez, avec le psychotique, ça va, quoi. Bon, c'est ce que dit Cléry Molin dans un rapport qui est fait au ministère de la Santé. Il dit, bon, qu'est-ce que je vous dise, dit-il, entre s'occuper du psycho des 600 000 schizophrènes et puis des millions de mères de famille déprimées, qu'est-ce que va faire la société, qu'est-ce qu'elle va choisir, qu'est-ce qui est le plus important politiquement? C'est les millions de mères de famille déprimées. Donc on va demander à la psychiatrie de s'occuper de ça. Pourquoi pas, vous allez me dire, pourquoi pas? Les désaliénistes avaient un peu cette idée-là. Sauf que ça se fait au prix de la disparition de la folie. Ça se fait au prix de la disparition de la psychose. C'est-à-dire que on va demander, on va mettre en œuvre, et on est en train de mettre en œuvre une politique qui s'appelle, parce qu'elle a été écrite noir sur blanc par deux psychiatres qui ont écrit en 2002, je crois, un rapport, Piel et Roland, qui s'appelle « De la psychiatrie à la santé mentale ». Donc ça signifie quoi? Ça signifie, un, que la psychiatrie en tant que telle va disparaître. Elle est en train de disparaître. C'est-à-dire que le psychiatre, ça veut dire un expert dans son coin, soit pour les tribunaux, soit même pour ce genre de questions un petit peu de souffrance psychique générale. On va confier les thérapies aux comportementalistes qui vont redresser, comme je disais tout à l'heure, et on va confier le soin aux médicaments et aux médecins de médecine générale qui vont donner les médicaments. Voilà un peu le dispositif. Bon. Mais que la psychiatrie, qui s'est formée autour de la psychose quand même, disparaissent, c'est problématique. Mais surtout, c'est la folie qui disparaît. C'est surtout ça le problème. C'est que si vous voulez, derrière tout ça, c'est pas simplement le fait qu'un psychiatre ne serait plus psychiatre, c'est le fait que la folie n'existe plus. Et si vous faites disparaître la folie, mais c'est fou. C'est fou de faire disparaître la folie. Pourquoi c'est fou? Parce qu'en faisant disparaître la folie, vous allez formater les individus. Vous allez les faire rentrer dans un cadre donné. Les assujettir, c'est ce qui est en train de se passer. Pourquoi je dis ça? Bah, tout simplement, je vais essayer de vous expliquer ça en vous donnant un exemple. La folie, et il y a un très beau texte d'Erasme dans l'éloge de la folie là-dessus, si je vous passe la phrase. La folie, elle résiste. Elle ne se laisse pas dompter. Pourquoi? Pas parce qu'elle est plus intelligente que les autres, mais parce qu'elle est folle. Comme elle est folle, elle ne se laisse pas dompter. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Vous prenez par exemple les centres d'aide par le travail, les CAT, où on fait travailler les handicapés d'une façon scandaleuse, où on les exploite d'une façon scandaleuse. Vous allez mettre là-dedans des gens qui sont dans des chaises roulantes, on va les mettre à un établi, on va leur faire faire un travail qui va être payé le dixième du SMIC, mais qui va être compétitif parce que ça devient de plus en plus des entreprises où ils vendent des produits sur le marché. Avec un fou, ça va marcher. Vous allez le mettre au CAT, au bout de deux jours, vous vous mettez le cirque. C'est pas possible. Donc, la folie, elle résiste. Mais si elle résiste, ça signifie que elle est, comment dire, elle est porteuse de la résistance de l'être humain au formatage. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'on veut la faire disparaître aussi. C'est pour cette raison-là. Parce que quand il n'y aura plus de fous, on ne verra plus qu'une seule tête. Quand il n'y aura plus de fous, on pourra tout... Un autre exemple. Moi, par exemple, j'ai travaillé là récemment pour un prochain bouquin sur la souffrance au travail. C'est extraordinaire, j'ai rencontré des gens, j'ai interviewé des gens qui sont par exemple, je dis c'est des cadres, mais c'est pas que les cadres, c'est dans toutes les catégories sociales. Mais par exemple, je pense à certains cadres que j'ai rencontrés. Quand vous les voyez arriver, et que vous commencez à faire une interview d'eux, vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien de ce qu'ils souffrent. Vous ne voyez rien de ce qu'ils endurent. Ils sont propres sur eux, ils sont souriants, ils sont pas toujours souriants, mais ils sont normaux, quoi, entre guillemets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, la société, elle travestit les choses. Elle se masque. La violence des rapports sociaux qui sont dans le soubassement est masquée. Quand même, personne, vous avez les personnes qui arrivent en costume, cravate, etc. Ben, oui, voilà, je suis manager, etc. Puis au bout d'une demi-heure, il se met à pleurer parce qu'il est dans une situation épouvantable. Avec le fou, c'est pas comme ça. Le fou, lui, il travestit pas. Le fou, il est dans le lien réel. Et le lien réel, c'est... je ne vais pas travestir, je ne vais pas cacher le fou. Et c'est vrai, je ne sais pas si vous avez l'habitude de fréquenter les fous, mais ça commence à devenir un petit peu mon cas, mais c'est extraordinaire de ce point de vue. Et c'est vrai que Erasme, il dit une phrase, vous voulez que j'aille vous la chercher? Oui. Vous voulez vous la chercher? Parce que, si vous voulez, le problème, si vous voulez, c'est que, encore une fois, derrière le fou, la question qui se joue, la question politique qui se joue, c'est la question de l'individu. On est dans une société où on nous dit que l'individu est roi, où on nous dit que l'individu est autonome, où on nous dit que l'individu est libre. Quand vous y regardez de près, c'est faux. Peut-être jamais, si on met à part évidemment les régimes totalitaires qui ont envoyé des gens dans les camps, mais peut-être jamais l'individu n'a été aussi bousculé, aussi malmené, aussi contraint dans un système, de contraintes subtiles et invisibles, mais beaucoup plus puissant limite que certains systèmes totalitaires pour mettre les gens dans le rang. Et c'est vrai que la folie, encore une fois, elle dérange. Elle met tout ça en cause, parce qu'elle elle se plie pas. Et d'ailleurs, un dernier exemple que je voudrais vous donner, c'est qu'à Saint-Alban, que vous parlez tout à l'heure de l'expérience de Saint-Alban, il y avait des surréalistes à Saint-Alban. Vous parlez de Tristan Tzara, le dadaïste, et puis de Éluard, qui était donc évidemment un surréaliste. Pourquoi les gens du secteur et de la psychothérapie institutionnelle mettent le surréalisme au panier de leur théorie? Ils disent, il y a le marxisme, il y a le freudisme, enfin la psychanalyse, il y a le surréalisme. Mais pour quelle raison? Mais tout simplement parce que les surréalistes nous montrent que le monde ne se résume pas à la vision que la raison froide en a. Le monde, il peut être fou. Le monde, il peut être délirant. Le monde, il peut être totalement irrationnel. C'est ça que les surréalistes, ils ont porté. Il peut être poétique aussi, à la fois. Et c'est pas un hasard si les surréalistes étaient là-dedans, puisque c'était la conception de l'homme qui était en cause. C'est-à-dire, est-ce que l'homme, c'est uniquement l'homme du marché, rationnel, qui gère sa vie comme une entreprise, c'est ça les néolibéraux, qui gère sa vie comme une entreprise, qui calcule tout, etc. Est-ce que c'est ça l'homme? Ou est-ce que c'est le fou? Moi, je vais vous dire qu'à la limite, je préfère le fou, évidemment. Mais c'est les deux, c'est tout ça à la fois. Mais sauf qu'il faut, on en revient, vous voyez, subrepticement, à la vieille dichotomie d'antan, entre la raison et la non-raison. C'est ce qu'explique Foucault dans son bouquin. On en revient sous d'autres formes, avec d'autres mots. Mais on en revient à ça. Donc c'est important de défendre le fou. Important. Si vous voulez changer le monde, il faut défendre les fous. Si vous voulez changer le monde, si vous voulez que le monde s'améliore, et si vous voulez vous opposer à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, à cette espèce de formatage généralisé dans lequel on se trouve, il faut défendre le fou. Je vous donne le truc d'Erasme. Il fait parler la folie. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu le bouquin. C'est-à-dire qu'il fait parler la folie. Et il dit « Je n'use point de phare. » Je ne simule pas sur le visage ce que je ne ressens pas dans mon cœur. Partout, je ressemble à ce que je suis. Vous voyez ? Je ne prends pas le déguisement de ceux qui tiennent à jouer un rôle de sagesse et se promènent comme des singes sous la pourpre et des ânes sous une peau de lion. » Donc c'est bien ce qu'il dit. Le fou, lui. Voilà. Et donc si vous ne nouez pas avec lui un lien réel, pas un contrat, pas une transaction, comme aujourd'hui on est en train de transformer les liens entre les gens, pas un gagnant-gagnant, comme dirait une... Je ne sais pas si on peut appeler ça une femme de gauche, enfin bon, c'est pas un gagnant-gagnant, un vrai lien, c'est-à-dire une rencontre qui se suit. Si vous ne louez pas avec lui ce lien, vous l'abandonnez. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'autres possibilités. Et comme ce lien-là, eh ben en ce moment on est en train de le rompre, on l'abandonne. Et c'est pour ça aussi qu'on le retrouve dans la rue et en prison. La nœud. Là. Il répète tout deux fois. Il répète parlez, tout parlez. Bonne journée. Il compte deux fois ses sous placés au fond de la poche de sa canadienne dans un gant de toilette sec. Il voit que je l'observe. Je lui ai aussi donné des sous. Il me dit bonne journée. Ça va m'aider. Incroyable nœud. Il répète tout deux fois. Incroyable nœud. Verrouillé, noué. Verrouillé. Coincé, serré. Comme si tant. Jamais. Comme si toujours. Presque jamais. Depuis verrouillé. Depuis longtemps. Depuis des lustres. Depuis enfance. Depuis comme si tant toujours. Je ne fais pas la mendicité pour le plaisir ou la charité. Mais quelques pièces pour m'aider. Ou si vous avez du travail, je l'accepte. Si vous avez du travail, je l'accepte. Je l'accepte. Pas la mendicité, comme si tant depuis toujours, comme si tant. Comme si tant, grincement. Rame métro, grogne, grincif. On l'entend comme si depuis toujours, pas à peine, un peu. On l'entend presque pas du tout. Dans le grincement métro, rame. Comme si depuis Moyen-Âge, mendiant. Moyen-Âge des châteaux et des gueux, mendiant. Entend à peine, un peu ou si peu. Là, il me jette un regard en coin, du coin de son œil noir, il sait que je l'observe. Dans la banquette contre la vitre, dans mon coin, il sait que, dans le silence, on sait déjà tous les deux que, On sait déjà que, quoi, on s'est vu, on s'est fait une, quoi, on s'est fait une idée. Il a parlé deux fois depuis là, il a répété deux fois depuis là, c'est sorti deux fois depuis là. Comme si du silence, de la boue, du début, comme si première parole, comme si temps, comme si depuis le temps. Du silence, de la boue, j'ai parlé moi aussi. J'écoute, de la parole informe qui se forme, c'est de la parole informe qui se forme, qui pousse. J'écoute dans le virage, sa voix informe, j'écoute, déformée. J'écoute dans le virage, la rame grince. Dans le virage, la rame s'enfile, coulisse dans le tunnel. J'écoute dans le virage, sa voix informe, déformée, presque formée. Comme si venu de loin, de la terre sous mes pieds, du brouhaha, du bruissement, du grincement. Comme si venu de là-bas, comme si venu. Il traverse la rame du métro, en répétant sa phrase, en répétant sa phrase. Le grincement couvre sa voix, on l'entend à peine, on l'entend quand même, si on veut entendre. Après La Voix Ça, par Fred Griot et Sophie Magnot, on revient, toujours dans l'intempestif sur Fréquence Paris Pluriel, à l'entretien avec Patrick Coupchou sur la psychiatrie contemporaine en France, et plus précisément sur son organisation très inégalitaire. En toile de fond de tout ça, il y a une conception également de la médecine à deux vitesses. Vous parliez tout à l'heure de Philippe Cléry-Melun. Il dispose, lui, de cliniques où il va soigner les riches cadres dépressifs, tandis que l'hôpital public doit de plus en plus gérer soit les pauvres psychotiques, soit également les pauvres ouvriers dépressifs. Est-ce que vous pourriez nous parler de la manière dont ça s'organise concrètement ? Ben, si vous voulez, moi, les cliniques privées, je connais celle de Cléry-Melun, puisque je suis allé le voir quand on a discuté, que je l'ai interviewé. Qui est à Neuilly, non ? Il en a une à Meudon, une à Garches, une je sais plus où. Je crois qu'il fait du business à Marseille, parce que c'est un business, on peut pas appeler ça autrement. Ce qui est frappant, si vous voulez, c'est qu'effectivement, vous avez... D'abord, c'est pas toutes les pathologies, hein. Il s'occupe pas de toutes les pathologies. Il n'a pas de psychotique, il n'a pas de schizophrène. Il a des dépressifs. Alors peut-être des psychotiques, j'en sais rien, mais il a des dépressifs. Donc déjà, c'est une première... Vous voyez, il trie. On n'est pas dans le service public. Il trie. Il choisit. Et puis en même temps, c'est vrai que il y a un choix de classe. C'est-à-dire que comme c'est cher, c'est forcément les gens qui ont de l'argent qui y vont. Bon, cela dit, moi, je trouve que ce serait intéressant d'aller voir de plus près la façon dont il s'y prend. Parce que quand vous allez dans une de ces cliniques, moi je faisais celle de Garches, je crois où je suis allé, c'est un château avec un parc, etc. Et ça tient autant de l'hôtellerie de luxe, de super luxe, que de la clinique. C'est-à-dire que, est-ce que le soin, là aussi on pourrait presque se poser la question, mais j'ai pas de réponse, je vois que j'ai pas la réponse, mais est-ce que le soin c'est de vivre dans un truc 5 étoiles quoi? Alors qu'en fait c'est un truc 5 étoiles, il y a 1 psychiatre pour 4 personnes, vous voyez la différence par exemple avec le service public quoi. Donc voilà, et ça c'est clair que là vous avez un créneau qui est un créneau de business, c'est-à-dire que vraiment... Il y a des gens comme lui, ils vous disent la santé, les gens, y compris la santé mentale, bien sûr, les gens sont prêts à mettre de l'argent là-dedans, et donc c'est un business. Il vous le dit, carrément. Donc c'est vrai qu'il y a toute une part, vous avez les cliniques de la, comment ça s'appelle, la générale de santé. Bon, la générale de santé, je crois qu'il doit avoir une quinzaine de cliniques psychiatriques aujourd'hui en France, sur le modèle un peu de Cléry-Melun. C'est clair que là, vous avez ça. C'est clair aussi que quand vous avez de l'argent, mais ça a toujours été le cas, hein, je dirais, ça va être de pire en pire, ben, vous pouvez aller voir un psychiatre libéral, vous pouvez aller dans une clinique privée, etc., et que tout ça, effectivement, se monnaie et se paye. À côté de ça, ben, évidemment, la grande masse des gens, ils sont face à une quasi-destruction, pas une destruction, mais un délabrement tel du service public. Mais là, si vous voulez, on est quand même dans un truc... qui est aussi, je vous parlais tout à l'heure des liens entre la psychiatrie, enfin la folie et la société, on est dans une société aujourd'hui comme ça, je veux dire une société où on ferme la poste dans les bureaux, dans les villages, où il n'y a plus de services publics, ou dans des quartiers entiers, où on privatise tout ce qui est bien commun, on le met de côté et on dit que c'était un poids pour la société, et donc le service public de la psychiatrie, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, Il faut pas que ça coûte cher, il faut que les gens y restent le moins longtemps possible, il faut que le symptôme disparaisse vite. Vous savez, de toute façon, moi je vais vous dire une chose, pour une grande part des gens aujourd'hui qui sont des gens pauvres, puisque vous faisiez la différence entre les pauvres et les riches, et je pense que vous avez raison de la faire, on n'est même plus dans un service public, l'hôpital qui jouerait son rôle. On a une partie des gens qui sont à l'hôpital, qui sont selon la fameuse formule de tourniquet, c'est-à-dire que je reste 15 jours, 3 semaines, je suis mis dehors, je reviens 2 mois après, je rentre de nouveau, etc. C'est un traitement de la crise ponctuelle. Voilà. Mais aussi parce qu'il n'y a pas de fric, aussi parce qu'on est en train de faire un hôpital entreprise, aussi parce que le directeur c'est un manager, c'est plus un médecin. Enfin, vous voyez, il y a toutes ces choses, cette espèce de modèle de l'entreprise, de gestion financière, de financiarisation des esprits qui rentre dans tous les domaines de la vie sociale. Donc à un moment donné, vous avez cette situation-là, avec une situation qui s'apparente à du non-soin, y compris dans les hôpitaux. Hein, parce que vous avez, moi j'ai vu des patients dans certains hôpitaux avec des pavillons qui ont été refaits à neuf. Je suis sûr qu'ils devaient être certifiés ISO 9000 quelque chose, les pavillons, et dans lequel le soin se résumait à la prise de médicaments 3 fois par jour, et puis à 5 minutes avec le psychiatre 1 fois par semaine. Et que le reste du temps, les gens étaient comme ça, à attendre. Évidemment, ils étaient à l'abri, on leur donnait à manger, on leur donnait des médicaments, donc ils n'étaient pas en train de délirer tout le temps. Ils pouvaient aller fumer leurs cigarettes en dehors du pavillon, puisque maintenant c'est interdit de fumer à l'intérieur. Voilà, et puis après on ne va pas appeler ça du soin. Parce qu'il y a cette logique aussi de tarification à l'activité, oui, qui a été mise en place dans le plan hôpital 2007, qui fait que les hôpitaux sont financés en fonction du nombre d'actes médicaux qu'ils font. Alors c'est Jean Hurie, je crois, qui disait qu'il n'y a pas d'actes médicaux dans... Jean Hurie, il a toujours une formule qui répète à loisir. Il dit, quand vous faites un sourire, quand vous échangez un sourire avec un patient, mais il ne dit pas un sourire d'hôtesse de l'air. C'est-à-dire pas un sourire commercial, un vrai sourire. Il dit que c'est hyper important, ça, en psychiatrie. Mais ça ne se mesure pas. Ça, c'est pas un acte, ça. Et le temps, évidemment. Je vais vous raconter une histoire que je vais mettre dans le prochain bouquin. J'ai déjà mis, d'ailleurs, dans le prochain bouquin. Mais un jour, j'étais avec un infirmier qui avait un peu de bouteille, quoi. Vous voyez, un peu un quinquagénaire, quoi. Mais un type formidable. Enfin, je dis « mais », c'est pas parce qu'on est quinquagénaire qu'on n'est pas un type formidable. Bon. Et alors, il m'a raconté un truc. Il m'a dit un jour, dans son service, travaillant dans le public. Je crois que c'est à Tours. Et alors il m'a raconté que dans son service, il y avait un schizophrène qui était particulièrement emmuré. Et qu'il était tellement emmuré, tellement en dehors, que même l'équipe, sans s'en rendre compte, l'avait un peu laissé de côté. Et puis lui, il se disait, ce serait peut-être pas mal quand même que je fasse quelque chose. Et il avait remarqué que tous les jours, le type, il marchait en rond dans la cour d'hôpital. À un tel point qu'il avait même la trace de son cheminement, le chemin par terre. Et il marchait, comme ça. Il ne savait pas pourquoi, ni comment, ni... Bon. Et donc lui, l'infirmier, va voir son chef et lui dit, écoute, voilà, ça n'a pas l'air d'être très bien, je voudrais bien renouer le contact avec lui, donc je vais aller marcher avec lui. Et le chef l'a envoyé dans le mur. Le chef a refusé, en disant que ce n'est pas un acte, marcher avec un fou dans la rue, dans la cour. Ce n'est pas un acte. Ce n'est pas un acte médical. C'est une perte de temps. À quoi ça sert de marcher avec un fou dans la cour d'hôpital? Il l'a quand même fait. Il a marché avec lui, il a marché longtemps, il a renoué le contact et il l'a emmené dans d'autres activités. Donc voilà, c'est ça qu'il veut dire Ori. Et quand vous parlez de la tarification à l'acte, c'est une aberration dans l'hôpital général, c'est déjà une aberration, mais alors en psychiatrie, c'est hallucinant. Mais là aussi, je crois qu'il faut, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est pas gratuit. Les gens qui mettent ça en œuvre ne sont pas des imbéciles, ne sont pas des inconscients, ce sont des gens qui ont des objectifs déterminés. Et je pense que de ce point de vue, il y a un double objectif. Le premier est un objectif bêtement gestionnaire, c'est-à-dire qu'il faut formater, il faut tayloriser, je crois qu'on peut employer le terme, le travail des infirmiers et des soignants pour que ça coûte le moins cher possible. Ça me semble évident, en fait, ils le disent eux-mêmes. Mais derrière ça, la taylorisation de ces activités, elle consiste aussi à mettre tout le monde au pas. Encore une fois, on touche au côté un peu, je mettrai des guillemets, un peu subversif de la folie. Parce que le côté subversif de la folie, il touche aussi les gens qui soignent. Par exemple, vous vous rendez compte que ce type qui tourne avec son schizophrène, il résiste. Il résiste, tout seul dans son coin. Et pourquoi? Parce que le fou, il est là, le fou, on ne peut pas lui imposer des formats. Donc à un moment donné, le soignant, il est face à son patient, et il sait qu'on ne peut pas lui imposer des formats. Il sait que ça va marcher s'il est capable de marcher avec lui en rond pendant plusieurs jours, s'il est capable de lui faire un sourire. Si on l'empêche de marcher en rond avec lui, si on l'empêche de faire un sourire, ça va coincer. Donc le soignant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va souffrir. Il souffre énormément, les soignants. Hein. Ou il va résister, ou les deux à la fois. Et il résiste, y compris de cette façon. Donc, la taylorisation de tout ça, la T2A et tout ça, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour mettre les gens dans des structures figées dans lesquelles ils n'auront plus de marge de manœuvre. C'est ça, le fond de l'affaire. Et là, on est dans le système biopolitique, c'est-à-dire où on utilise le système de santé pour contraindre les gens, pour les contraindre, y compris dans leur vie la plus intime. Tourner vite autour d'une chose, puis tourner plus lentement, construire un monticule plus haut qu'un gars, tourner autour vite, puis plus doucement, monter une chose assez grande, la mettre au milieu et tourner à toute vitesse autour de la chose pendant plusieurs tours, et ralentir, faire un tas de choses plus haut qu'un homme, au milieu, tourner autour de la chose en courant très vite, puis en marchant, construire d'une façon ou d'une autre une chose assez haute, avant de tourner autour très vite, puis tourner autour. C'était Tourner de Christophe Tarkos. On revient, toujours dans l'intempestif, sur Fréquence Paris Pluriel, à l'entretien avec Patrick Coupchou sur le paysage psychiatrique en France. Tourner autour vite. Puisqu'on parle de répression, est-ce qu'on pourrait revenir également sur la judiciarisation en fait, de la folie de plus en plus, et peut-être partir de ce rapport Burgelin qui était paru en 2005, dont on parle plus beaucoup en ce moment, mais dont on voit les conséquences, c'est-à-dire le gouvernement actuel est en train d'appliquer ce que préconisait ce rapport, c'est-à-dire en gros deux choses. La création de centres fermés pour des malades qui seraient toujours considérés comme dangereux, ou bien, et d'ailleurs il y a une conjonction, ou bien pour des prisonniers qui seraient toujours considérés aussi comme dangereux à l'issue de leur peine, donc c'est un enfermement à vie sans juridiction. Et la deuxième chose que préconisait Burgelin sans rire du tout, c'était la création de tribunaux spéciaux pour les fous. C'est-à-dire, ce que vous disiez tout à l'heure sur la remise en cause de l'irresponsabilité du fou, on dit effectivement on considère qu'il y a une petite différence, on ne peut pas les juger comme tout le monde, mais du coup on ne va pas les laisser s'en sortir comme ça, on va leur créer des tribunaux spéciaux pour eux. Est-ce qu'on peut parler de ces deux aspects-là? Je vous avais tout dit. Non, je crois que c'est important, parce que si vous voulez, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en gros la dangerosité accolée à la folie fait partie aussi, à la fois est une conséquence et en même temps fait partie de ces stratégies. Est une conséquence de la situation qu'on fait au fou aujourd'hui, je pense que ça je l'ai longuement expliqué, puis en même temps c'est aussi une stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut donner le change, hein, parce qu'on est dans une situation, dans une société sécurisée. Donc si vous voulez, je crois que le rapport Burgelin, c'est un rapport parmi d'autres, je pense qu'il y en a eu d'autres, moi j'en ai parlé dans le bouquin, parce que c'était à l'époque où il était sorti, mais en fait, effectivement, vous avez raison, ce que fait Sarkozy aujourd'hui, c'est une tendance, comment vous dire, il y a une tendance politique lourde. Il y a tout, c'est ça, je fais juste une petite digression, mais je veux dire, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que vous vous rendez compte que depuis 30 ou 35 ans, on a des tendances politiques très lourdes, celles que j'ai décrites un petit peu depuis un moment, là, qui se sont déployées sous la gauche comme sous la droite. C'est terrifiant, mais c'est comme ça. Bon, en psychiatrie, c'est tout à fait évident, tout à fait évident. Mais ces tendances lourdes, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent qu'en fait, il faut enfermer les fous. Voilà, il faut les enfermer, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure. Et il faut les enfermer, mais il ne faut pas les enfermer à l'asile, comme avant. Parce qu'imaginez que Sarkozy dise on va ouvrir les asiles comme avant, allez hop, on va remettre 5 ou 6 000 personnes à Villévrard ou je ne sais pas où, et puis on ferme les murs, ce ne serait pas possible. Encore que, sous prétexte de sécurité, par exemple l'asile ici, oui, c'est un lapsus, l'hôpital ici à Villejuif, le directeur que j'avais rencontré m'expliquait qu'ils allaient mettre des systèmes de sécurité avec des badges comme dans les entreprises, ce qui fait qu'on n'est peut-être pas aussi loin que ça du mur, des murs d'enceinte. Mais le fond de l'affaire, c'est qu'on va vouloir remettre en cause, pour aller vite, l'article 122.1 du Code pénal, c'est-à-dire en gros, par rapport à la responsabilisation des malades mentaux, vous peut-être rappeler en deux mots ce que c'est cet article, c'est ce qui concerne la responsabilité en cas de délit ou de crime. Donc l'article, qu'est-ce qu'il dit? Il a deux alinéas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans un premier temps, si les experts jugent que le discernement du fou qui a commis le délit ou le crime a été aboli, donc le mot c'est abolition, hein, a été aboli, Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de procès, il y a non-lieu, il n'était pas responsable, et en fait, comme on faisait dans le temps, avec l'article 64 de la loi 1838, on l'envoie se faire soigner ailleurs. Bon. Et puis le deuxième alinéa, il dit « si son discernement était altéré ». Donc il y a deux mots qui sont clés, abolition, altération. Et dans le cas où il était altéré, il est jugé. Ça, c'est les experts qui décident s'il est altéré ou aboli. C'est-à-dire que à un moment donné, effectivement, on peut juger qu'un type était responsable et qu'on peut juger qu'on peut le juger. Bon. Ça, l'altération le permet. Et l'abolition permet aussi, parce que si vous voulez juger un type totalement délirant qui se prend pour Napoléon III ou je ne sais quoi devant un tribunal, ça n'a aucun sens. C'est une parodie de justice, c'est quelque chose d'épouvantable. C'est là où on veut nous emmener, d'ailleurs. Hein. Bon, c'est quelque chose d'épouvantable. Et c'est à ce moment-là que la technique nous a lâchés et que l'enregistrement s'est arrêté. Alors que Patrick Coupchou était en train de parler du fait que les non-lieux pour irresponsabilité pénale étaient en chute libre. Ils sont passés de 17% des procès en 1980 à 0,17% en 2001. Et ce n'est malheureusement sans doute pas la guérison qui explique cette différence statistique, mais plutôt le développement d'une vision du fou comme un criminel irrécupérable, imprévisible, qu'il s'agirait d'enfermer à vie. C'est une des conséquences assez visibles du règne des experts et des victimes dans les salles d'audience. Et on n'a pas non plus parlé du renforcement des hospitalisations sous contrainte qui permettent à un tiers ou à une administration de définir quelqu'un comme fou et de le faire enfermer. On prendra le temps dans de futures émissions de développer toutes ces questions. C'était donc un entretien avec Patrick Coupchou, auteur d'Un monde de fous, comment notre société maltraite ses malades mentaux, paru au Seuil en 2006. Patrick Coupchou prépare un nouveau bouquin sur la même question qui paraîtra toujours au Seuil en avril. Vous retrouverez cette émission lundi à 11h sur FPP et elle sera ensuite disponible avec de la documentation sur www.intempestive.net. Et allez, avant de se quitter, on écoute la dernière phrase de mon oncle d'Amérique, d'Alain Resnais. C'est le biologiste Henri Laboré qui parle. On commence à comprendre par quel mécanisme, pourquoi et comment, à travers l'histoire et dans le présent, se sont établies des échelles hiérarchiques de dominance. Pour aller sur la Lune, on a besoin de connaître les lois de la gravitation. Quand on connaît ces lois de la gravitation, ça ne veut pas dire qu'on se libère de la gravitation. Ça veut dire qu'on les utilise pour faire autre chose. Tant que l'on n'aura pas diffusé très largement à travers les hommes de cette planète la façon dont fonctionne leur cerveau, la façon dont ils l'utilisent, et tant qu'on n'aura pas dit que jusqu'ici ça a toujours été pour dominer l'autre, il y a peu de chances qu'il y ait quelque chose qui change. À quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.